Quatre mami, yeah. La rue la vengeance, appelez le gérant. Le terrain est glissant, que ça tue les vendeurs. À zéro sont les compteurs et ça répond plus. Quand le téléphone sonne, ça t'a mis un tracker. Les murs ont des oreilles, les balances ont la bouche pleine. Que ça t'accuse à tort, ça fait parler le chargeur. Y'a plus d'émotion, plus de religion, plus de sensation. Exécution, tout sous tension, que des sanctions. Accélération sur la nation, gère le ratio. Frère, je te rassure, j'ai le cardio. À la radio, à la rap dure, je fais des morceaux dans la voiture. Nique la censure, on s'en sort. J'ai rappé dans le bloc, j'arrachais pas de collier. En fumette à l'école, j'arrivais les yeux collés. Mais pas le con, y'a toujours plus fou que le taulier. Capot décapi à la vie, à la wesh la miss, la FL Q7. Je vais pas t'épouser, je vais te dépecer. Puis te déposer, t'es mon bébé, tu me fais des poussettes. Chouchou, c'est Marseille bébé, plus la capitale. On a chargé les habitacles et les appuis-têtes. Fruititi le capital, Nasser sur une quiche, t'as pu rachète le capitaine. Amigo, la poucaf, c'est le clicos. Y'a les mbila dans le bas, tu déboules à 3 comme les migos. C'est max 130, Rios 430, grippa, je fais le signe, joue la 230. À Marseille, on se balade même si c'est pas les Bahamas. Folle à l'étalage, trafic de cam et de camagra. De Noaï à la Cala, demande aux gars de Paname. Ou on t'es dans le Canada, exilé jusqu'au Panama. Carrément, les Roumains jouent des maracas. Sahari, des Karima et des Rabat à Caracas. Parfois ça dérape, pisté par la caméra. Dans la soirée, ça claque, le salaire à Pamela. Il y a les ghosts à la gasolina. Ce soir, je vais faire Zouk et Carolina. Sous cocaïna, des comme Totorina. Je vais donner à Ima et la Tuturina. Marseille, Paname, dans nos cités, c'est Gomorra. Ce soir, j'emmène madame. On se promène dans le Panamera. C'est comment tu payes, tu cannes. Rafale, c'est devenu banal. Chez nous, tu touches la cam. Le bénéf, merci les barras. C'est la Lemon, on m'attendait pas, je vais choquer vos tentes. Ça sort le cric cric de la boîte à gants, je mets la gomme. Là, j'arrive à balle, toujours dans les temps. Merci le Gilles, me mettre l'index sur la détente. Il faut les faits divers, on fait les gros titres. Caboussé le soir, faut que tu nous évites. Dans la chapeau, les gantelles. Ça vient des Pablo, gros, t'as reconnu l'équipe. 24, tu es au rien à fêter. Glock noir dans la coche, là, ça va péter. C'est plus d'Adji, gros, c'est ZP. Le sang versé n'a pas séché. Minimum 6, sans les 3-6. Ça te livre à domicile comme les 3 Suisses. Que du cash, que du liquide, pas de chèque, chèque. On revient pour se venger et tu dis hashtag. C'est Marseille sur la A7, je roule à 2-3. J'ai du shit à 2-6, de la mâche à 3-3. Uris 4-4, avant ça faisait 5-5. Charbonne 7-7 et coulis qu'il a moins 2. Pour le baveux, j'ai la plata. Full Prada, faire le Prado, ça se met rap. Attends, j'ai les outils, j'ai pas d'abdos. Au pire, j'ai mon opi, j'suis un clando. Si tout part, les minos sont sur un plan. H24, les condés sont sur le renté. La sécu, c'est d'investir sur un pont. C'est la rue de Mélossa et de Mégaté. Parle bien, ça va te niquer ta mère. Y'a tout qui est neuf, faut pas salir ma paire. Paris-Marseille pour contrôler la terre. Anti-BDH qui s'éloigne des cratères. Quand c'est moi qui pilote, t'es collé qu'à la pitette. La rue m'a fait, j'ai du mal à la quitter. Y'a qu'au foot qu'on m'épose à l'amitié. Avec le J, ça m'écoute en Aquitaine. On est mauvais, t'as de la chanson de loup, t'as pas de chanson de nique. Fais attention à ce que tu dis dans la rue, les murs ont des grandes oreilles comme la Champions League. C'est le 1-3, c'est le grand classique. Faut trafiquer location, plaquer le Vandowski. Laisse les faire les voyous, ils rentrent pour le permis de conduire. Ils ressortent pour bonne conduite. Tout le monde donne quand on a, c'est le 13, c'est quand on a. Y'a que des têtes brûlées à la street abonnée. Si on te touche le cœur, c'est pas pour te donner de l'amour, c'est pour te voler ta Daytona. Marseille, Paname, dans nos cités c'est Gomorra. Ce soir j'emmène madame, on se promène dans le Panamera. C'est comment tu payes, tu cannes. Rafale, c'est devenu banal. Chez nous tu touches la cam. Le bénéf, merci les barras. Marseille, Paname, dans nos cités c'est Gomorra. Ce soir j'emmène madame, on se promène dans le Panamera. C'est comment tu payes, tu cannes. Rafale, c'est devenu banal. Chez nous tu touches la cam. Le bénéf, merci les barras.